flèche. Oui, Jackie, je viens d'arriver sur le lieu du crime où le cadavre d'une femme a été retrouvé il y a 2 heures de cela. D'après les informations qui nous ont été données, la police reste perplexe quant à la nature du projectile ayant atteint la jeune femme. En effet, celui-ci semble être d'un calibre et d'un matériau improbable, vous a déclaré le responsable de l'enquête. Je vous recontacte ultérieurement pour vous donner les développements futurs de cette affaire. Eh bien, merci Randy. Bye bye, Jackie.